Qui propose en fait une approche renouvelée de l'écologie avec un prisme décolonial. C'est donc un livre qui me semble très important et qui a tout son sens aujourd'hui aux rencontres intergalactiques, parce que les rencontres intergalactiques traitent de des luttes mondiales. Contre le capitalisme et pour l'autonomie et un monde en commun. Et en même temps, ça fait un écho intéressant aux aides en vie qui a lieu le week-end prochain et qui traite cette fois-ci de comment composer des mondes face au désastre environnemental, qui traite aussi d'exil et d'énergie. Donc ce que propose Malcolm dans son livre, c'est de penser l'écologie avec le prisme de l'histoire coloniale, ce qui est un grand manque dans la pensée écologique de nos jours. On a tendance à penser l'écologie environnementale et à ne pas voir en fait, le lien inextricable qu'il y a entre les rapports de domination, certes à l'environnement et aux non-humains, mais aussi les rapports de domination entre humains. Et en fait, la proposition, c'est de faire naître le désastre environnemental qu'on connaît aujourd'hui et aussi les désastres sociaux de la même façon, de les faire débuter avec l'histoire des colonies par les pays européens depuis le 15e siècle. Bon, ça fait vraiment sens, du coup, de présenter ce livre. Et donc il va le faire en deux parties. Il va commencer par présenter les grands traits de sa proposition philosophique. Et puis il va enchaîner sur un cas emblématique de domination coloniale qui a lieu en ce moment, en fait, qui est le scandale du chlordécone. Donc ça fait... ce sera la deuxième partie et ça donnera un exemple concret pour expliquer tout ça. Donc je vais lui laisser la parole. Bonsoir, rebonsoir. C'est un plaisir pour moi d'être ici ce soir. Et je commencerai par remercier l'organisation. Vas-y, je t'en prie, t'inquiète. Ouais. Alain qui m'a finalement donné son lit, en fait. Simplement. L'équipe d'Ambassada, JJ pour le tour de ce matin, on a fait un tour génial de 4 heures autour de la ZAD. La cantine, en fait, j'ai adoré la nourriture, et puis finalement, toutes les bonnes énergies que j'ai croisées en ce temps court. Mais voilà, ça faisait longtemps que je voulais venir et l'occasion s'est présentée, donc merci de me recevoir ici ce soir. Alors, comme Annelle l'a raconté, ma présentation va avoir deux parties. Mais on va commencer par une petite histoire. Donc, je suis martiniquais, je ne suis pas présenté, mais je suis martiniquais. Et on a une tradition, finalement, de raconter des histoires, surtout lors des veillées ou le soir. Et on commence par ces petites choses qu'on appelle cric-crac. Alors, c'est très simple, je vais vous apprendre. En fait, il y a quelqu'un qui dit une phrase et qui finit la phrase par « cri » et l'audience doit répondre par « cra ». Cri ! Deuxième phrase, « mysticri » et l'audience répond « mysticra ». Mysticri ! Mysticra ! Yécri ! Yécra ! Yé mysticri ! Yé mysticra ! Et c'est inverse. Si je dis cra, cri. Mysticra, mysticri. Et souvent, le conteur, en fait, il demande est-ce que la cour dort, et là, l'audience, si elle ne dort pas, répond non, la cour ne dort pas. Yekri. Yeah, mystique. Yeah, mystique. Qui? Qui? Yekri. Est-ce que la cour dort? Non, la cour ne dort pas. Eh bien, si la cour ne dort pas, je vais vous raconter une histoire ce soir, une histoire d'amis. Qui? Une histoire d'amis, d'amis qui naviguent. Histoire de navire qui s'appelle Ami. Vous savez, quand on parle, on aime bien rendre compte de l'endroit d'où l'on parle et de la terre d'où l'on parle. Donc, en tant que Martiniquais, j'ai voulu parler un peu de cette histoire d'amitié qui existe entre Nantes et Martinique. Bien cuit. Donc, je vais vous parler de ce navire qui s'appelle Ami, qui est un navire particulier parce que en 1829, en partant de Nantes, donc pas très loin d'ici, il se rend sur les côtes africaines pour embarquer quelques personnes. Alors, le nombre exact, c'est 292 personnes. Et, comme vous savez, ce navire embarque des personnes captives qui va après amener pour la culture de la canne, et, etc., en Martinique. Toujours la même année, 1829. C'est ce qu'on appelle la traite négrière. Yekri. Bien sûr, sur ces 267, seulement 220 sont arrivés. Et ce trajet, qui lie finalement, d'une certaine façon, Nantes et la Martinique, a été reproduit plusieurs fois. Au point où, en fait, j'ai fait la petite recherche juste avant ce soir, 75 871 personnes ont été enlevées d'Afrique en départ de Nantes pour arriver en Martinique. Et donc, voilà, je voulais partir de cette histoire-là, et à la fin de la présentation ce soir, il y aura l'occasion d'honorer une autre façon cette amitié que je vais vous proposer, et j'espère que vous y joindrez. Yekri. Voilà. Alors, donc, vu que on a commencé un peu en retard, je vais vous parler de quelques grandes lignes de ce livre que je viens de publier. Enfin, ça fait quand même, ça va faire un an. Sur ce que j'ai appelé une écologie décoloniale, c'est-à-dire une façon de penser l'écologie qui prend en compte l'histoire coloniale et l'histoire esclavagiste de la modernité. Cette histoire que le navire Ami rappelle notamment. Et peut-être pour commencer, je voudrais rappeler d'où je suis parti, enfin d'où j'ai commencé. Et j'ai commencé par le constat de ce que j'appelle une, alors on voit pas très bien, mais une double fracture. Voilà, une double fracture coloniale et environnementale. Ce que j'entends par là, c'est le fait qu'on a eu tendance, dans la rue, dans les universités, dans les partis politiques encore plus, à séparer questions coloniales, questions de racisme et d'antiracisme d'un côté, et questions environnementales, écologiques de l'autre. Vous voyez que là, j'ai une image, enfin une peinture d'une arche de Noé, et je vais vous expliquer pourquoi un peu plus tard. Mais ça participe d'un imaginaire qui est très prégnant dans les écrits et les pensées écologistes, où finalement on tend à occulter ce qui se passe à l'intérieur du navire. Le navire étant ici la figure d'une métaphore du monde. Alors, quelques exemples. Le premier est celui-là, un exemple assez récent, que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Nous sommes à Davos, en début d'année, où, à la fin du sommet, il y a ces cinq jeunes femmes qui sont prises en photo par l'AFP. Et vous avez en bas la photo qui a été prise et en haut la photo qui a été publiée. Cherchez l'erreur. Bon, évidemment, quand on posait la question au photographe, on lui dit « Mais pourquoi vous avez exclu Vanessa Nakata, qui est ougandaise, une jeune femme ougandaise climate activiste ?» Il répond « Bah, il n'y avait aucune volonté de discrimination ou quoi que ce soit, c'était juste une question de composition. » Mais il ne voyait pas le problème, en fait. Mais bon, c'est pas... Et on peut le croire, on peut le croire. Mais en fait, ça c'est un des exemples parmi d'autres. Ça fait à peu près une dizaine d'années ou un peu plus que je travaille sur les questions environnementales, écologistes, et que je navigue à travers différentes sphères, académiques, militantes, des conférences en France, en Europe, aux États-Unis. Je vais dans des cours de sociologie d'environnement, philosophie d'environnement, et particulièrement en France, je retrouve finalement ce même phénomène. C'est-à-dire que dès lors que je rentre dans les arènes où on pense les questions écologiques, on retrouve une moins importante diversité, voire littéralement une absence de personnes racisées, une absence de personnes noires, encore aujourd'hui dans les partis écologistes, ici en France. Alors je me suis demandé, mais pourquoi ? D'où ça vient ? Quand j'ai grandi en Martinique, j'avais les deux intérêts qui étaient pour moi, que je n'arrivais pas encore à lier. Je m'intéressais à la question environnementale, je m'intéressais à l'histoire coloniale, à l'histoire esclavagiste, et en fait, pour moi, ces deux questions n'étaient pas séparées, elles faisaient partie d'un seul et même tout. Sauf qu'ici, on est séparés. Et je vous montre encore quelques exemples de la généalogie de la pensée écologique, une généalogie qui exclut explicitement l'histoire coloniale et l'histoire esclavagiste. Vous avez ici quelques photos de figures phares du mouvement écologiste, alors là, pour le coup, américain et norvégien, avec les Anglais. Vous avez Henri David Thoreau, célèbre auteur de Walden, Rachel Carson, un des livres fondateurs du mouvement environnemental mondial, 1962. Vous avez John Muir, un des premiers fondateurs des parcs nationaux américains, notamment Yosemite. Aldo Leopold, qui a écrit un magnifique ouvrage, Sandy County Almanac, Almanac de sable. Et puis Arne Næss, un des philosophes norvégiens et aussi un des fondateurs de l'écologie profonde. Et ce qui est frappant, c'est qu'au même moment, par exemple en 1962, au même moment où Rachel Carson publie son livre d'une critique extrêmement puissante de l'usage du DDT, cette molécule qui finalement empoisonne nos écosystèmes, il se passait d'autres choses aux États-Unis, notamment le mouvement des droits civiques avec ce qu'on connaît, Martin Luther King, Rosa Parks, Malcolm X, plus tard les Black Panthers, etc., etc. Mais les connexions ne se faisaient pas. Et pareil, au XIXe siècle, quand John Muir et d'autres vont commencer à créer les premiers parcs nationaux aux États-Unis, ces parcs sont créés explicitement contre les Native Americans, les 500 nations en fait, qui peuplent les États-Unis, au point où finalement on en vient à conceptualiser une nature littéralement contre la présence de personnes racisées. John Muir a cette phrase qui est extrêmement parlante en parlant de la wilderness, vous avez cette idée de nature américaine, la wilderness, où il dit se balader dans une wilderness propre en croisant des Indiens, alors Native Americans, sales. Enfin, voilà. Et il y en a plein d'autres, mais bon, ça c'est un exemple parmi d'autres. Alors on peut se dire... Ah, mais ça, c'est les États-Unis. C'est normal, le racisme, c'est qu'aux États-Unis. L'esclavage aussi. Mais en France, nous avons aussi des figures de l'écologie. N'est-ce pas ? Vous avez Jean-Jacques Rousseau, bien connu, le revenu premier solitaire. Vous avez Pierre Poivre. Alors Pierre Poivre est célèbre pour avoir... il a été l'intendant de la colonie de l'Île-de-France, qui est l'île Maurice aujourd'hui. Il est célèbre pour avoir fait le lien entre la déforestation et la diminution de la pluviométrie. Decrease rainfall. Pareil, en France, on a quand même une longue tradition d'une critique de la technique. André Gorz, Charbonneau, Ellul, et même Gunther Anders, qui est passé par là aussi, on a une critique de la technique. Et en même temps, dans toute cette tradition-là, on voit qu'on a une invisibilisation de l'histoire coloniale et de l'histoire esclavagiste, et de ce que cette histoire-là a contribué à la critique de la technique. L'exemple le plus important reste l'exemple du nucléaire. C'est-à-dire que il faut savoir que la bombe qui a explosé au-dessus d'Hiroshima, l'uranium qui a servi à fabriquer cette bombe vient du Congo, Congo belge. Et on a une critique de la technique se développe sans remarquer ou sans prêter attention assez, à mon sens, aux conditions coloniales de la production de la technique. Ici, vous avez notamment... Alors, vous savez qu'en France, l'arme nucléaire a été possible à la condition de l'essayer sur les populations colonisées. Donc, d'abord l'Algérie, puis la Polynésie, jusqu'en 96-95. Ici, vous avez Oscar Temaru, président polynésien, qui a assigné la France pour crime contre l'humanité par rapport à ses essais nucléaires. Mais paradoxalement, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissaient déjà ce nom. Alors, d'autres exemples comme ça. Rousseau, qui est célèbre pour ses rêveries de promeneur solitaire, je me balade, etc. Je regarde les simples et c'est très beau. Dès qu'il pleut, je rentre, je trouve un logis, je trouve à manger, je trouve à boire, etc. Et puis mes enfants, quelqu'un d'autre s'occupe de ces enfants. Enfin voilà, c'est un peu... Alors qu'en fait, au même moment, au XVIIIe siècle, au même moment, il y avait des personnes qui faisaient l'expérience de territoires dits vierges, en fait qui n'étaient pas du tout vierges, et qui se confrontaient à une double oppression. L'oppression raciste, esclavagiste de possession des corps, donc les esclaves fugitifs, et en même temps l'oppression liée à ce mode de production qu'est la plantation. Et ces esclaves fugitifs qu'on appelle les marrons, en espagnol cimarron, en anglais c'est maroons, avaient déjà mis en place une forme, d'ailleurs qui fait écho à ce qui se passe ici dans la ZAD, une forme de résistance à l'oppression esclavagiste, à la fois esclavagiste, à la fois plantationnaire, en occupant des espaces de forêt, en occupant des marécages, en occupant des montagnes et des morts, et dans toutes les Amériques, en Colombie, au Brésil, aux États-Unis, en Jamaïque, à Haïti, en Martinique, en Guadeloupe, vous avez des exemples de ces premières luttes écologistes, si vous voulez. Enfin, qualifier écologistes à de manière anachronique. Mais, pareil, on a une généalogie de la pensée écologiste qui va uniquement regarder ce côté-là et qui va faire fi complètement de l'autre côté. Kwame Nkrumah, premier président du Ghana, et un des fervents défenseurs du panafricanisme, est l'un de ceux qui a lancé en fait une réponse contre les essais nucléaires français en Algérie. Frantz Fanon, pareil, a dénoncé les essais nucléaires et le pouvoir nucléaire. Et Aimé Césaire a parlé des conséquences de cette exploitation coloniale. Donc en fait, on a créé un imaginaire de la blanchité dans l'histoire de la pensée écologiste qui non seulement occulte cette histoire, mais en occultant cette histoire, occulte en tout cas, est passé à côté des alliances qui auraient été possibles entre ces différents groupes. Un autre exemple de cette double fracture. On va faire un petit test. Dès lors que on sort de la France et on va aux États-Unis, en Afrique du Sud, je ne sais pas où, l'image géographique de la France, qui est en fait une image politique, est celle-là, l'Hexagone, avec peut-être la Corse un petit peu. Mais elle est là, la Corse. Et on occulte systématiquement, y compris chaque jour, quand on regarde la météo, en fait on a vu les journaux, etc., on regarde le temps qu'il fait, on veut savoir le temps qu'il fait. Systématiquement, les territoires d'outre-mer sont occultés. Qui peut me citer les 12 territoires d'outre-mer ? Alors, Saint-Pierre-et-Miquelon, 1. 2, 3, Réunion, 4. Mayotte, Calédonie 5. La Polynésie. Wallis et Futuna, Polynésie, ouais. Polynésie, Saint-Pierre-et-Miquelon, ça a déjà été dit. Guyane, ok. Saint-Martin. Oui, très bien. Il en manque encore deux autres. Voilà, en fait, les terres australes en Antarctique française. Et puis un autre. Ça arrête dans les, ça rentre dans les taffes. Bon, les voilà, la Clipperton. Et en fait, en occultant ces territoires, on occulte aussi l'histoire coloniale qui rattache ces territoires et ces populations à la France hexagonale. Donc, pareil, savez-vous quelle part de la biodiversité, JJ ce matin a parlé de la biodiversité à la ZAD, que c'était une des biodiversités les plus cartographiées, si j'ai bien compris, quelle portion de la biodiversité française se trouve dans tous ces territoires-là ? 80%, ça dépend comment on compte, mais autour de 83-84%. Et pareil, pour la zone économique maritime, on est à 98%. C'est-à-dire 98% des eaux françaises sont là. À Mayotte, à Guyane, à Saint-Miquelon, etc. En fait, la France a, je crois, 10% des atolls au monde, et 20% des atolls et 10% des coraux. Mais ce n'est pas tout de dire « Ah ben tiens, il y a de la biodiversité, il y a des écosystèmes ». C'est qu'aussi, c'est 2,7 millions d'habitants. 2,7 millions d'habitants qui vivent dans une précarité beaucoup... Enfin, en tout cas, dès lors qu'on regarde les indicateurs sociaux, on les explose. Plus de, selon les territoires, plus de 20%, 30% de chômage. Moins accès à l'infrastructure. Au moment où je parle, en Guadeloupe, on a des difficultés à avoir accès à de l'eau de manière pérenne. Le CHU n'est toujours pas reconstruit. Vous connaissez la situation à Mayotte, vous connaissez la situation à La Réunion, 40% de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté. Donc, voilà. Enfin, et on reste dans cette double fracture. Donc, du coup, le livre que j'ai écrit partait de ça et essayait de dire bon ben, comment peut-on dépasser cette fracture ? Comment peut-on joindre à la fois une critique technique de la modernité, une critique anticoloniale, une critique écologiste, une critique décoloniale ? Et enfin, voilà, c'était un peu le début de mes réflexions. Mais bon, c'est pas la peine de lire, mais ce qui se passe, c'est que cette fracture explique aussi, d'une part, et je crois que Amand Ninguay l'a très bien expliqué dans le livre coordonné par Jade, c'est-à-dire qu'on va trouver une sorte de méfiance des personnes racisées vis-à-vis des collectifs écologistes, et en même temps, du côté des écolos, on va avoir une conceptualisation de la question écologique qui passe à côté de tout un pan de tout le pan de la population, de tout le pan de l'histoire. Enfin, il faut s'imaginer que les discours écologistes sont des discours qui ont des vocations souvent universelles, souvent globales, mais pourtant, dont les arènes vont exclure une partie de cette globalité, une partie de ceux qui constitueraient cette universalité. Problème. Donc, de manière métaphorique, l'imaginaire à partir duquel j'ai voulu penser l'écologie, qui est aussi un imaginaire caribéen, mais pas que, qui n'est pas celui de l'imaginaire de l'Arche de Noé, où en fait on va sélectionner qui peut rentrer dans l'Arche, quelle famille, quels animaux, quelle paire d'animaux, et en même temps choisir ceux qui restent à quai, sans savoir ce qui se passe à l'intérieur du navire. Moi, je m'appuie d'un imaginaire qui est d'emblée beaucoup plus politique, qui est celui du navire négrier, où là, on ne peut pas échapper, on ne peut pas être Rousseau qui s'échappe et qui va voir... Non. Et vous voyez bien, donc ça c'est une peinture qui est la couverture de mon livre, qui est une peinture de William Turner, qui s'appelle A Slave Ship, A Typhoon is Coming, et Slavers throwing overboard the dead and the dying, Typhon is coming. Mais je raconte. Négrier jetant des morts et des mourants, un cyclone arrive, un typhon arrive. Et en fait, ce tableau raconte une histoire que, bon, je prends plus de temps que prévu, mais bon, au final, Annaëlle. Qui est inspirée d'une histoire vraie. D'un navire qui s'appelle Zong, un navire, tout comme le navire ami qu'on a vu au début, qui est parti de Liverpool, qui va au Ghana pour capturer, rendre des personnes en tant que marchandises dans son navire, et aller en Jamaïque. Alors, l'équipage va en Jamaïque, sauf que ils font une erreur de navigation. Ils dépassent la Jamaïque de 5 jours. Vous savez, l'arc caribéen, c'est un peu comme ça. Et ils dépassent de 5 jours. Et là, ils se rendent compte que pour revenir au port de Kingston, en Jamaïque, ils n'ont pas assez d'eau. Ils n'ont pas assez d'eau pour tout le monde. Donc, tout l'équipage et les personnes en état d'esclavage, ou les personnes captives. L'équipage se réunit. Qu'est-ce qu'ils décident ? Ils décident de jeter des personnes à l'eau. Donc, ils ont pris 440 personnes au Ghana, et au total, ils en jettent 150. Mais on peut se dire, mais ça fait pas sens, parce que ils veulent faire du profit avec ces personnes, donc pourquoi ils ont jeté à l'eau ? Et là, il faut savoir que pour monter une expédition négrière à l'époque, il fallait, enfin souvent, ça demandait des sommes importantes, et les armateurs prenaient des assurances. Et les assurances disaient, s'il y avait ce qu'on appelle des problèmes à la mer, des perils of seas, même par exemple des mutineries ou des cyclones, à ce moment-là, ils pouvaient se faire dédommager de leurs pertes, entre guillemets. Donc, ils se sont dit, en fait, si on arrive à convaincre les assureurs qu'il y a eu un problème qui n'était pas le nôtre, pas notre erreur de navigation, alors il est plus profitable pour nous de jeter ces gens à la mer que d'essayer de rationner ce qui nous reste comme eau et d'arriver ensemble à bon port. Les archives montrent que d'ailleurs, ils ont fait ça sur plusieurs jours et que certains jours, il a plu. Et c'est effectivement ce qu'ils ont fait. Ils sont allés à Liverpool, ils sont rentrés, ils ont dit, voilà, il y a eu tel problème, donc du coup, remboursez-nous. Et ils ont eu raison un premier tour. Après, l'assureur qui a compris qu'il y avait une anguille sous roche, qu'il y avait un problème, a attaqué en justice, et là, la justice leur a donné tort. Mais à aucun moment, le crime qui a été commis de jeter des gens à la mort comme ça, et c'est ce que... Voilà, n'a été puni. Et pour moi, cette métaphore du monde comme, en tant que navire est importante, notamment quand on pense aux questions écologiques contemporaines. Par exemple, la question du réchauffement climatique. Si le monde est un navire et qu'on fait face à une tempête écologique, une tempête climatique, quel navire va-t-on construire ? Comment va-t-on agir ? Qui va-t-on jeter par-dessus bord ? Sous prétexte que leur présence est excédente. Qui va-t-on asservir à l'intérieur des cales sous prétexte que c'est la seule façon dont on peut vivre ensemble ? Et quand on regarde ce qui se passe dans la Méditerranée, quand on regarde ce qui s'est passé déjà entre Mayotte et les Comores, quand on regarde ce qui se passe entre Haïti et la Floride, on voit très bien qu'en fait, cet imaginaire du navire négrier continue à nous travailler ici, aujourd'hui. Et donc, pour révéler tout ça, pour le geste conceptuel principal que je fais dans ce livre, à la base de tout, c'est un déplacement épistémique, où la scène de pensée à partir de laquelle je travaille les questions écologistes n'est plus celle d'un homme blanc, de classe aisée, bien éduqué, qui se balade dans une nature qu'il prétend être vierge, même s'il peut avoir des éco-sociabilités avec les non-humains. À gauche, vous avez l'emplacement de la cabane de Thoreau à Concorde, aux États-Unis, à Walden. D'ailleurs, c'est magnifique, mais bon, voilà. Et j'ai choisi une scène qui se produisait au même moment où Rousseau allait dans la forêt de Montmorency, au même moment où Thoreau allait dans la forêt dans les bois de Walden. Il y avait des hommes, des femmes et des enfants qui étaient asservis dans la cale du navire négrier. Et j'ai voulu penser la terre et le monde, pour moi, dans l'écologie, c'est de ça dont il s'agit. Il s'agit entre autres à partir de cette cale du navire négrier. Cela permet aussi de penser avec ce qu'on peut appeler les naufragés de la modernité. Parce que cette histoire du navire Zong dont je vous ai parlé, toutes les personnes en état d'esclavage n'ont pas été jetées à l'eau. À peu près 200 sont arrivés à Kingston. Mais si on se met à leur place, ce sont des personnes qui ont vu les leurs jetés à l'eau, massacrés, et qui savent qu'à n'importe quel moment, leur expérience du monde peut être la même. Donc ici, vous avez deux sculptures dans les Caraïbes. Ici, une sculpture en Martinique au diamant, là où Édouard Glissant, d'ailleurs, il habitait. En hommage à un naufrage, et à la fois en hommage à la traite négrière. Et ici, une sculpture de Taylor qui évoque finalement cette unité sous-marine entre ceux qui sont arrivés vivants sur Terre et ceux qui sont partis en mer. Alors, qu'est-ce que ça me permet de faire, tout ça ? Dans ce livre, je suis dans un dialogue constant avec cette histoire classique, cette généalogie classique de l'environnementalisme. N'essayez pas de lire, c'est juste, si vous voulez, vous verrez dans le bouquin, c'est pas la peine, mais il y a un ensemble de concepts, de termes qui sont utilisés constamment et qui constamment, systématiquement, occultent l'histoire coloniale. Des termes comme anthropocène, des termes comme wilderness, comme nature, et même l'idée d'un promeneur solitaire, etc. Et chaque fois, en fait, je montre qu'en partant de ce point-là, on arrive à une autre conceptualisation de la question écologique. Donc à l'anthropocène, j'oppose l'idée de plantationocène, voire de négrocène. À l'Arche de Noé, comme imaginaire, j'oppose l'imaginaire du navire négrier. À l'idée d'un promeneur solitaire, j'oppose l'idée des marrons et des marronnes. Je ne rentre pas dans plus de détails parce que c'est quand même. Enfin, mais lors des questions. Et dernier point de cette première partie, je parle de cette question de l'habiter. Que la colonisation n'est pas uniquement une forme de subjugation de peuples par d'autres peuples ou de personnes par d'autres. De peuples par d'autres personnes. Mais c'est vraiment une manière de se penser sur Terre où l'exploitation des êtres humains, de certains êtres humains et de certains non-humains vont de pair. Et l'exemple que j'ai abordé tout à l'heure est vraiment va le montrer. Et autre chose, ce que ça me permet de faire, c'est aussi rendre visible finalement d'autres visages de l'écologie, d'autres perspectives. Vous avez ici par exemple Francia Marquez, que peut-être certains d'entre vous connaissent, j'imagine, j'ai entendu pas mal d'hispanophones. C'est une afro-colombienne qui a mené une lutte très importante pour préserver sa communauté et qui a reçu en 2018 le prix Goldman de l'environnement, l'équivalent du prix Nobel de la paix pour l'environnement. Vous avez Jean Wiener, qui est un biologiste marin haïtien, qui a eu le même prix en 2019. Kansaro Wira, qui est un ancien dramaturge, homme politique, enfin, écrivain, poète, qui fut torturé à mort parce qu'il a voulu défendre le peuple Goni au Nigeria. Alors, il faut savoir que les compagnies qui exploitent le pétrole du Nigeria et de l'État du Niger, certaines ont leurs appartements dans une certaine rue de Paris. Bon. Et Wangari Maathai, prix Nobel de la paix en 2004 ou 2005, qui a notamment participé à la ceinture du... à la création de la ceinture verte avec un ensemble de femmes notamment. Et presque toutes ces personnes ont en commun qu'à aucun moment, la manière dont elles vont aborder la question écologique est détachée de cette histoire qui a constitué la modernité, cette histoire coloniale, impérialiste et esclavagiste. Et juste, je vous lis juste un extrait du discours de réception de Francia Márquez et vous verrez comment les termes sont liés. Je fais partie d'un processus, d'une histoire de lutte et de résistance qui a commencé quand mes ancêtres furent emmenés en esclavage en Colombie. Je fais partie d'une lutte contre le racisme structurel, d'une lutte continuelle pour la liberté et de la justice. Partie de ces gens qui gardent l'espoir de mieux vivre, partie de toutes ces femmes qui ont recours à l'amour maternel pour préserver leur terre comme terre de vie, qui élèvent leur voix pour arrêter la destruction des rivières, des forêts et des zones humides. Donc, Donc, de manière très simple, l'écologie décoloniale est un cri multiséculaire de justice et d'appel de monde. Looking forward. Mais, donc ça, c'était censé être la première partie de mon talk. Je fais juste une petite pause de 1 minute 30 de musique. Et je vais vous montrer une exemplification de ces dominations coloniales et du coup de ces luttes anticoloniales. En vous faisant écouter, pareil, quelques ambiances martiniquaises. Alors, une petite explication parce que vous avez entendu aussi ça au début. Les personnes, par exemple, celles qui sont parties enfin, du navire ami ou d'autres, qui sont arrivées en Martinique et en Guadeloupe et les autres, ce ne sont pas que des corps. Ce sont des personnes qui ont créé des choses, qui ont chanté, qui ont dansé. Et ce que vous voyez là, en fait, ben, c'est le résultat de ces danses qui sont transmises de génération en génération, de ces musiques. Voilà. Et la musique que vous avez entendue s'appelle le belé, musique traditionnelle martiniquaise, pratiquée par les personnes esclavisées et qui essaient de garder une forme de dignité à travers la danse. Et ça s'est arrêté. On va voir si l'autre passe. Ça c'est guadeloupéen. Le gobelet à la moulin. Ça, c'est un groupe guadeloupéen qui s'appelle Akiyo, A-K-I-Y-O. Et si vous avez des questions sur la première partie, je vous invite à les noter pour ne pas les oublier. Et là, on passe à la deuxième partie, qui va être beaucoup plus courte, ne vous inquiétez pas. Là, en fait, je vais vous parler de... Je vais vous parler d'un conflit, en fait, d'un cas précis qui illustre un peu ce que... Enfin, qui a été un des terrains que j'ai abordé dans ma thèse. Le cas du chlordécone aux Antilles, c'est un pesticide organochloré qui a été utilisé dans les bananeraies. Je vous explique en images. Donc, j'imagine que tout le monde ne sait pas où se trouve la Martinique et la Guadeloupe. Parce que tous les Français le savent, bien sûr. Mais il n'y a pas une personne. On est dans la Caraïbe. Et voilà, vous avez Guadeloupe ici, Martinique là, qui sont en fait aujourd'hui des départements d'outre-mer. Un petit rappel historique. Les premiers habitants arrivent à 5000 ans avant Jésus-Christ. Christophe Colomb passe en 1962, mais la colonisation française commence en 1635. Pierre Belin de Nambuc. C'est peut-être un nom que vous avez entendu récemment, parce que sa statue, qui était à Fort-de-France, a été déboulonnée. Ça, c'était en 2020, hein, quand même. Ça va. Quelques dates clés. 1848, la deuxième abolition de l'esclavage. En fait, la première a eu lieu en 1793 à Saint-Domingue, dans la colonie de Saint-Domingue. 1946, c'est la loi dite d'assimilation, en fait, la loi de départementalisation, qui est en fait le moment où la Martinique et la Guadeloupe changent de statut, ne sont plus colonies, mais deviennent départements français, de la même façon qu'il y a des départements en hexagone. Is it clear? En 1946, c'est une forme de décolonisation, non pas par indépendance, mais par intégration dans la République française, officiellement. Et le projet d'assimilation était un projet basé sur une égalité, notamment une forme d'égalité des droits sociaux. On est à la fin de la sortie de la Seconde Guerre mondiale, un projet défendu par Aimé Césaire. Mais 70 ans après, on voit que cette égalité, comme j'en ai parlé tout à l'heure, n'est pas. Et en 2016, il y a eu cette loi qui est passée pour une égalité réelle des Outre-mer. Voilà. Alors, au départ, on exportait beaucoup de canne à sucre. Aujourd'hui, l'industrie qui est dominante, c'est quand même l'industrie de la banane. Ici, vous avez en jaune les espaces où il y a les plantations de bananes à Basté en Guadeloupe et sur la côte atlantique en Martinique. Donc, il faut savoir que 95% des bananes produites sont exportées en Hexagone et en Europe. Donc, c'est une denrée que l'on ne consomme pas. Mais bon, bah, pourtant, c'est dans les bulles. Et l'exportation de la banane est possible qu'à la condition d'avoir des bateaux conteneurs qui sont réfrigérés, etc. etc. Un autre aspect quand même intéressant, c'est que cette industrie est globalement contrôlée par un groupe, un sociogroupe de personnes qu'on appelle les blancs créoles ou les béquets, the white creole, criollos, qui en fait ont cette particularité que ce sont les anciens colons de Martinique qui n'ont pas voulu se mélanger, en tout cas ethniquement, avec le reste. Et qui aujourd'hui, alors que la population est majoritairement noire, est une minorité blanche qui a un très fort pouvoir économique. Alors, le chlordécone, qui est en fait cette molécule que vous voyez ici, qui est de la même famille que le DDT, ce que Rachel Carson a dénoncé, est une molécule qui a été utilisée pour lutter contre officiellement c'est ce qu'ils disent, mais en fait c'est pas vrai, pour lutter contre un petit charançon du bananier, et qui a été utilisée pendant 20 ans. Mais en 20 ans, elle a entraîné une contamination qui a trois caractéristiques principales. Elle est durable, parce que comme elle est très rémanente dans les sols, elle peut rester dans les sols jusqu'à plusieurs siècles. Euh, elle a contaminé, elle est généralisée, c'est-à-dire qu'elle a contaminé les sols, les écosystèmes, les bassins versants, les eaux de source, les eaux côtières en partie, les animaux, les poissons, les crabes, certaines denrées qui sont consommées, surtout les patates douces sur les terres contaminées, et elle a aussi contaminé les corps entiers. Il faut savoir qu'on estime, d'après une étude de 2018, que plus de 90% des Antillais sont contaminés à la chlordécone aujourd'hui. Et on estime qu'en fait, si on avait des mesures, techniques de mesure plus fines, on arriverait à 100%. Et le problème, c'est que cette molécule, elle est dangereuse, elle est toxique, elle est cancérigène. C'est un perturbateur endocrinien. Donc cancérigène, ça influence les chances de survenue de cancer de la prostate, ça on le sait. Ça diminue les périodes de grossesse et ça affecte le développement cognitif en partie des enfants. C'est un développement qu'on peut rattraper, mais ça l'affecte. Il y a un ensemble aussi de conséquences. C'est que comme cette molécule elle est très ancrée dans les sols, tout ce qui est hors sol réussit quand même à être dédouané de chlordécone, ça sent chlordécone. Mais ça veut dire que paradoxalement, les cultures traditionnelles, des denrées traditionnelles comme la patate douce, les ignames, etc., qui font partie des plats que nos grands-mères, nos grands-pères, etc., faisaient, sont impactées, tandis que les sols qui sont contaminés, qui ont été contaminés par la banane, eh ben on peut continuer à faire de la banane, puisque la banane, le fruit n'est pas contaminé. Donc, paradoxalement, la contamination a renforcé cette production de bananes qui participe de ce que j'appelle la bité coloniale. Alors cela affecte aussi, ici vous avez les zones de contamination des eaux côtières, et ça veut dire qu'un ensemble de pêcheurs qui pêchaient la langouste, ou alors qui pêchaient tout autour, qui ne peuvent plus pêcher tout simplement, qui ont dû changer de travail, qui ont dû soit partir en retraite un peu avant, etc. Et ce sont des barques en fait qui n'ont plus en mer et qui restent sur la plage. Et puis enfin, c'est aussi une aliénation de rapport au corps. Hein, le chlordécone, on le retrouve dans le cordon ombilical. Donc, c'est-à-dire au-delà du seul impact, on va dire médical, il y a l'impact anxiogène, l'impact psychologique de savoir, tiens, ben, je vais donner du lait ou je vais donner à manger à mon enfant, ben, est-ce que ce que je donne va le contaminer ou pas? Donc, est-ce que je peux avoir confiance en la terre sur laquelle je suis né? Et cette contamination, en fait, sape un peu la confiance qu'on peut avoir dans notre terre. Et ça, c'est pas mesurable, mais c'est quand même quelque chose qui est là et qui nourrit un ensemble d'angoisses. Exemple de contexte, faut savoir que la Martinique et la Guadeloupe figuraient parmi les territoires où il y avait le plus fort taux de cancer de prostate au monde. Bien sûr, il n'y a pas un seul facteur qui influence la survenue de cancer, mais ça, voilà, ça participe. Alors, il y a des résistances. Il y a des personnes qui, il y a des livres qui sont écrits, il y a des pétitions qui font écho à « Je suis Charlie, mais je suis chlordéconné », il y a des manifestations depuis plusieurs années. Il y a des critiques aussi artistiques, et là je vais juste montrer en fait, parce que c'est d'actualité, des personnes qui luttent pour que d'une part les terres soient dépolluées, mais aussi pour qu'il y ait justice. Parce qu'on a utilisé cette molécule en 72, de 72 jusqu'à 93 aux Antilles, mais les sols aujourd'hui où je parle sont pollués. Et aujourd'hui, plus de 90% de la population est contaminée, les sols sont encore contaminés, mais personne, pas une entreprise, pas une personne, aucune entité collective n'a été tenue pour responsable, en tout cas en termes de justice, de cette contamination. Donc nous sommes dans un état de déréalisation, c'est-à-dire qu'on marche, et puis on a l'impression que c'est rien passé. alors que tout le monde est contaminé. Et si on regarde ce qui s'est passé aux États-Unis, eux aussi, ils ont utilisé ils ont produit cette molécule. En 2 ans, tout s'était plié. À la chemical était contaminée, les rivières étaient fermées pour protéger la population, les recherches épidémiologiques pour qu'on puisse soigner les personnes y avaient commencé, et les moyens de dépolluer aussi, il y avait des recherches qui étaient lancées. Enfin bref. Et là, je vais vous parler de quelque chose qui s'est passé en juillet. Et je vous montre juste une petite vidéo, en espérant qu'elle fonctionne. Alors, s'il y a des enfants, ben voilà, il ne faut pas qu'ils regardent. Alors ça fonctionne pas. Deux secondes. On va y arriver. Donc depuis 2-3 ans, il y a des militants qui, face à cette dénie de justice, ont commencé à bloquer les centres commerciaux de la Martinique, en disant nous ne voulons plus cautionner ce système qui en fait nous met dans une dépendance alimentaire où on ne consomme pas ce qu'on produit et on ne produit pas ce qu'on consomme. Et vu que les centres commerciaux sont aussi détenus en partie par des personnes qui produisent la banane, ils ont voulu symboliquement bloquer les centres commerciaux et certains ont été arrêtés pour ça et jugés très rapidement. Il y a eu déjà un premier jugement le 13 janvier qui a donné lieu à une scène de guerre quasiment à Fort-de-France, en Martinique. Et pareil, la répression continue. Et suite à 2 arrestations en juillet, il y a cette scène qui s'est passée. Et encore une fois, les enfants. Voilà. Je fais comme ça et après je vous. Parce que. Bon. Ouais, du coup, en fait, je crois que. Sinon, si vous vous levez, peut-être vous allez réussir à voir. Non ? Bon, ok. Ça va être bon, en fait. On est en Martinique. Vous lui faites mal. À Fort-de-France. Vous lui faites mal. Vous l'avez agressé. Vous lui faites mal. Bande de connards. Vous lui faites mal. Bande de connards. Alors, je fais juste une pause pour montrer que le militant qui a été agressé ici s'appelle Kezea et c'est un tambourier. C'est quelqu'un qui joue le tambour. Et il a été agressé alors qu'il jouait le tambour en défense à certains militants qui étaient agressés. Et le tambour, c'est pas simplement un. Enfin, tout instrument n'est jamais qu'un instrument, mais il a une symbolique extrêmement forte en Martinique parce que c'est un instrument de libération. C'est l'instrument sur lequel les gens que vous avez vu danser dansaient. C'est l'instrument que jouaient nos ancêtres qui étaient en état d'esclavage. Et du coup, c'est pas seulement une atteinte physique, c'est aussi une atteinte quelque part culturelle. Et puis en plus, il y a eu des violences racistes, enfin des propos racistes qui ont été prononcés. Pas bon. Voilà, on peut s'arrêter là. Et du coup, ces jeunes, avec d'autres, ils vont être jugés demain. Demain pour acte de rébellion et de résistance à la police, etc. Alors qu'en fait, ils ont calculé, il a reçu plus de 100 coups de matraque. Il y a d'autres vidéos que j'aurais pu montrer avec du sang, etc. Mais bon, je crois que vous voyez un peu l'idée. Et ce qui est encore une fois frappant, c'est que deux îles en partie contaminées, une population entièrement contaminée, zéro justice, zéro jugement jusqu'à présent. Il y a des plaintes qui sont en cours depuis 2006, 14 ans. Hein. Rien. Ils militent pour la dépollution des terres. Ils militent pour la justice en l'espace d'un mois. Boum, il est jugé. Donc il y a un peu ce deux poids, deux mesures qui continue. Et alors, ce que je voulais vous proposer de faire, si vous voulez, mais ça, c'est on peut le voir après, c'est qu'on a peut-être l'occasion ici de renverser cette... Enfin, en tout cas, de proposer notre forme d'amitié. Madly, la mère de Kezea, en fait, collecte un ensemble de vidéos de soutien, en soutien aux militants. Pour moi, c'est la première fois à la ZAD et je serais très heureux si on pouvait faire un geste ou un signe en soutien en fait, à ces militants. Ce que j'avais proposé, en fait, ce qu'elle collecte, c'est des vidéos de personnes qui disent « Bon, nous soutenons les militants anti-chlordécone et nous voulons justice. » Comme je sais que voilà, tout le monde ne veut pas montrer son visage, etc., j'avais proposé à ce qu'une personne ou une autre se mette derrière et nous filme pendant 15-20 secondes et où on dirait ces mots. Depuis la ZAD Notre-Dame, nous soutenons les militants anti-chlordécone, nous voulons justice. Je propose que si c'est quelque chose qui vous intéresse, on puisse le faire. S'il y en a qui ne veut pas le faire, vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire à un moment donné, je ne sais pas quand, comment, mais... Du coup, plutôt que de prendre les questions d'abord... Pas grave. geste extrêmement fort que, entre guillemets, depuis la ZAD, on puisse afficher cette solidarité. Alors, allez, la question, on fait, si on est d'accord, on peut le faire maintenant. Oui.